Les morts-vivants ont le droit de participer aussi. Bienvenue à Debout Éducation Populaire, en présence sur la place le vendredi, samedi et dimanche. On va commencer tout de suite par une petite improvisation parce que notre premier intervenant n'est pas là. Et du coup, comme on avait placé la journée sur le thème de l'écologie et qu'on a des gens de la commission Écologie Debout avec nous, elles vont nous faire une petite improvisation pour la première heure, histoire qu'on parle un peu d'écologie comme ça, ça nous semble, bon nous semble. Et ensuite, elles développeront les sujets qu'elles avaient choisis. Voilà, c'est tout ce que... Ça va? C'est tout ce que j'ai à dire? Bon, bah, apparemment. Du coup, bah, quand vous voulez. Si vous voulez vous asseoir pour qu'on puisse commencer, les intéresser. Comme ça? D'accord. Bonjour à ceux qui nous écoutent et aux autres, voilà. On est deux membres aujourd'hui de la commission Écologie Debout. Est-ce que vous m'entendez bien ou les gens... D'accord, cool. Je vous présente Sophia et moi c'est Gaëlle. Il y a une physicienne et une cartographe. Et on fait partie de la commission écologie depuis quasiment le début, c'est-à-dire pour moi personnellement la mi-avril. Voilà. On est à peu près une cinquantaine d'actifs, plus ou moins. Ouais. Et on était sur la place depuis le 6 avril, qui est la date de la première réunion. Jusqu'à la mi-juillet à peu près, où on a décidé d'arrêter de se réunir tous les jours. Et on a préparé, pendant ce temps-là, jusqu'à la rentrée, on a préparé une journée spéciale ZAD. Et après, on se réunit maintenant une fois par semaine à peu près, pour débattre de thèmes autour de l'écologie. Donc c'est l'environnement, c'est l'énergie, c'est les alternatives à tout ce qui est énergie fossile. C'est l'agriculture biologique notamment, les alternatives au nucléaire, puisqu'on est à peu près d'accord toutes les questions qu'on est pour la sortie du nucléaire. On a fait des débats à l'occasion de Tchernobyl, enfin à l'occasion de l'anniversaire des 20 ans de Tchernobyl. De Fukushima également, on a fait des débats sur des tas de choses, sur les ZAD, sur les grands projets inutiles et imposés. je sais plus. Et cet été, on est parti à Notre-Dame-des-Landes, dont on va parler tout à l'heure à 16h. On est parti aussi à Paimpont, aux rencontres Nuit Debout de l'Ouest. Et nous voilà aujourd'hui sur la place pour parler dans une petite heure du projet de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais avant de parler de ça, on aimerait lancer un petit débat avec les intéressés et les curieux sur la place d'initiative citoyenne qui est Écologie Debout au sein de Nuit Debout Paris. Et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour lancer des initiatives, et des initiatives écologiques, c'est-à-dire au plan local à Paris et éventuellement à se connecter avec d'autres Nuits Debout écologie en France. Peut-être je pourrais rajouter que pour nous qui sommes dans cette commission-là, on a vraiment le sentiment et la certitude en fait que l'écologie c'est un sujet qui touche à tous les autres, en fait qui est un peu en lien avec toutes les autres commissions de Nuit Debout. On peut dire notamment économie, on peut dire justice, éducation, ça touche vraiment sur migration évidemment aussi, France-Afrique, démocratie. Donc peut-être on pourrait un peu voir avec vous pourquoi, je veux dire, dans notre tête, tout le monde devrait être intéressé par l'écologie. Ce n'est pas toujours le cas. Et donc, ce serait bien de débattre un peu sur ça. Pourquoi ce n'est pas le cas? Et qu'est-ce qui fait que quelques gens sont plus sensibilisés que d'autres? Est-ce que c'est un manque d'informations? Est-ce que c'est une question de priorité dans la vie de chacun? Voilà. Et si vous avez des questions sur le fonctionnement et des choses plus spécifiques, ben on serait très content d'essayer de vous répondre. Merci beaucoup. Et du coup, on va lancer le débat comme ça. Si vous avez déjà des questions ou des réactions, voilà, Antoine. N'hésitez pas à lever la main et je vous passe le micro du coup quand c'est votre tour. Bonjour. Alors moi j'ai une question sur l'écologie, sur votre activité, votre présence sur la place. Il y a quelque chose, j'ai appris il n'y a pas longtemps que la mairie de Paris a donné des permis pour végétaliser. Et alors moi il y a quelque chose qui m'a beaucoup plu sur la place, bon ça a été deux week-ends. C'est quand les gens ont pris le contrôle des zones, là, de tous les arbres en fait, qui entourent tous les arbres pour commencer à planter des choses. Bon, alors évidemment, les CRS, le lundi matin, on sait très bien, on sait très bien ce qu'ils sont amusés à faire, c'est tout détruire. Est-ce que c'est pas quelque chose que vous pourriez faire, c'est-à-dire organiser. Le fait qu'on contrôle, qu'on prenne le contrôle, les gens de Nuit Debout, même des citoyens, l'ensemble des espaces autour des arbres pour qu'on puisse commencer à planter des choses, histoire de... Ce serait aussi une façon d'occuper la place. En fait, deux choses. D'abord, à Écologie Debout, on aimerait bien court-circuiter un peu le parcours officiel de la mairie de Paris, c'est-à-dire demander à la mairie de végétaliser, faire ça avec un permis officiel, etc. C'est pas forcément quelque chose qui nous intéresse. Parce que nous, on a déjà nos graines, on a déjà des graines bio, en fait, que l'association Cocopelli nous envoie, gracieusement. Et deuxième chose, pour végétaliser les arbres là autour de la place de la République, faudrait que déjà la terre soit de bien meilleure qualité. Parce qu'on a essayé plusieurs fois de planter des graines, ça prend pas. La terre elle est ultra tassée et elle est tellement dégueulasse que ça se travaille. En fait, il faudrait qu'on ramène du terreau. Et il faudrait surtout que il y ait un entretien régulier. Parce que si on plante des choses et qu'on n'est pas là. Il y a du piétinement, là, les zones autour des arbres, elles sont vraiment super piétinées. Et c'est pour ça que c'est difficile de lancer un truc sur la place des Républiques. Mais c'est très possible de le faire ailleurs. D'ailleurs, là, je profite pour rappeler que là, ça fait une ou deux semaines, il y avait eu un atelier de seed bombing, c'est-à-dire créer des petites boules de terre qui sont enrichies en pleines graines. Et les semer, moi, j'étais pas là pour dire les détails, mais donc ça pour dire qu'il y a des initiatives vers cette direction-là. Et d'ailleurs, au mois de mai, il y avait même une équipe, une sous-équipe de la commission qui s'occupait de l'agriculture urbaine et de tout ça. Maintenant, malheureusement, cette équipe, elle est, je ne sais pas s'ils sont encore actifs. En fait, j'avais proposé de faire une cartographie des espaces à végétaliser dans Paris. Sauf que, je ne l'ai pas faite. My bad, ok. Mais c'est toujours possible de le faire et de végétaliser des endroits sans que ce soit forcément en passant par la mairie. Ça peut être dans des squats, ça peut être chez des particuliers, sur des toits abandonnés, dans plein d'endroits. Et voilà, sans passer par le circuit officiel, même si c'est forcément plus facile et plus adapté, sans doute à Paris, mais. En fait, ma proposition sur la place de la République, elle s'intègre vraiment dans une logique d'occupation de la place de la République, aussi un Nuit Debout, et aussi, ce serait aussi une façon un peu de faire la nique à Hidalgo et à la mairie, en occupant, en prenant le contrôle légalement avec tout ça, de ces espaces-là, et après on en fait nos trucs, et puis on plante nos trucs et on fait savoir publiquement que c'est quelque chose qui est lié à l'occupation. Bon, après, c'est des discussions politiques liées vis-à-vis de la mairie. Est-ce qu'on signe des papiers avec la mairie? Moi, c'est pas ma copine Hidalgo, donc je comprends parfaitement ta réponse, mais voilà, c'est juste. C'est aussi dans le essayer de l'embêter un peu sur son terrain. Oui. Alors, je voudrais revenir sur ce que vous disiez, que l'écologie, ça touche à tout. Mais c'est, à mon avis, c'est ça le plus important. C'est pas tellement comme dans n'importe quel autre secteur comme l'énergie, on peut s'occuper que de l'énergie ou que de la finance ou même que des arbres, des plantations ou que de l'agriculture, mais c'est pas de l'écologie. Ça. L'écologie, c'est un style de vie où on est cohérent. C'est-à-dire tout ce qu'on fait. Et même tout ce qu'on pense, c'est en fonction de la planète, mais même du système solaire. Parce que avec tout ce qui nous tourne au-dessus de la tête et qui peut nous tomber sur la gueule d'un moment à l'autre, il y a des choses à faire. Et c'est le prétexte, disons, pour tout ce qui ne va pas du point de vue écologique et pas seulement, c'est que soi-disant c'est fait pour nous. Pour notre bien-être, pour qu'on puisse se déplacer, pour qu'on puisse bien manger, avec tous les avions qui se baladent, faire du tourisme, etc. Il faudrait peut-être commencer à dire, c'est surtout les jeunes, nous c'est pas ça qu'on veut. Nous on veut vivre d'abord. Après on se démerdera pour comment on veut vivre. Mais si on est mort, c'est pas la peine, c'est tout. Et pour vivre, il faut changer de style de vie, parce que là, celui qu'on a, il est mortel. Et pas que seulement du point de vue de l'écologie. Et je voudrais juste donner un petit exemple, disons, à mon avis, la manière de penser différente qu'il faudrait déjà avoir pour penser son propre style de vie. C'est que, par exemple, pour la science, on peut étudier un arbre. Enfin, ça, c'est un truc. Comment dire ? Enfin, quand l'écologie est apparue, c'était tout de suite une manière différente de penser. Et je crois que c'est pas un hasard non plus que l'écologie est apparue en même temps que le féminisme, parce que c'est une autre manière de voir les choses. Parce que par exemple, un arbre, de la science masculine, on peut dire, qui, pour dire voilà, un arbre, il y a des racines, il y a un tronc, il y a l'écorce, il y a des feuilles, etc. C'est... Tandis que pour l'écologie, c'est un arbre, ça n'existe pas. Il y a les arbres sur la planète. Et ils sont tous reliés, et si on arrive à éliminer une certaine proportion d'arbres, même ceux qui restent, ils vont finir par disparaître. Ils vont finir par mourir, parce qu'ils sont interdépendants des cycles de l'eau, de l'air, etc. Et cette manière de voir le monde en interdépendance, c'est pas que la nature, c'est pas que les arbres, c'est aussi les êtres humains. Et déjà, il faudrait qu'on arrive à se mettre d'accord. Alors là, il n'y a plus d'écologie. Oui, en fait, je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. C'est exactement la vision qu'on a. Donc, avant, j'ai mentionné les commissions de Nuit Debout avec lesquelles on a des affinités. On devrait converger. Mais en fait, il y a, comme vous avez dit, la commission féministe, les vegans, les antispécistes, les antipubes. Donc, oui, en fait, exactement comme vous dites, c'est vraiment un style de vie. C'est être cohérent dans le quotidien. C'est toujours pas facile. C'est pas évident de pouvoir poursuivre un mode de vie 100% cohérent, parce que dans ce système-ci, on n'a pas accès toujours et à des prix raisonnables, à de la bonne nourriture de qualité. On n'a pas toujours le choix des transports écologiques. Par exemple, le vélo dans la ville, c'est pas toujours évident, c'est dangereux même. La manière qu'on s'habille, la manière qu'on consomme en général, en fait, c'est ça, c'est la mettre un peu en question nos habitudes de consommation avec tout ce que quelqu'un peut entendre par consommation. C'est même en fait les spectacles, c'est une consommation, tout en fait doit être dans tous les aspects de notre vie, il y a des moyens d'être plus écologique, mais c'est voilà, il faut vraiment s'informer et chercher comment faire. Je vais pas être redondante avec ce que tu as dit, mais oui, c'est évidemment le changement, il passe d'abord par soi-même. Et c'est peut-être ça qui est le plus dur en fait à réaliser. Et déjà réaliser que la finitude des ressources sur Terre, les ressources sont pas illimitées, heureusement. Et le fait qu'on les épuise à une vitesse hallucinante, pétrole, etc. Et je sais pas quoi dire de plus. Je peux continuer sur ça, en fait. Le changement, évidemment, doit venir par nous-mêmes, donc on doit tous un peu changer nos habitudes, ça c'est sûr, mais en parallèle, on n'est pas non plus dans une vision complètement, ok, on change nous-mêmes et on laisse la politique en dehors. Et l'écologie, c'est purement politique aussi, on peut pas être capitaliste et écologiste en même temps, ça n'existe pas. Donc, on pense aussi qu'il faut faire des actions. Et il faut avoir une opinion politique cohérente. Voilà, c'est pas l'écologie, c'est pas que du recyclage et du bio à Naturalia qui est en fait le magasin du bobo. Donc on parle aussi des circuits courts, de la nécessité de mettre l'humain vraiment au centre et les relations humaines, et pas juste se contenter à faire des petits gestes qui nous rendre la conscience bien, on a de la bonne conscience, mais en fait, à la fin, c'est vraiment pas assez. Il faut, malheureusement, vu, comme Gaël a dit, le problème avec les ressources et le changement climatique, il faut agir immédiatement. Donc, il y a une nécessité, on peut pas attendre la sensibilisation écologique qu'elle vienne d'ici 100 ans. Là, ce sera vraiment trop tard. Donc, on pense aussi qu'il faut agir rapidement, et donc il faut faire des actions vers cette direction. Ouais, je peux prendre un tour de parole aussi. Merci. Ça m'intéresse parce que j'ai pas mal. Moi, depuis Nuit Debout, j'étais conscient de plein de problèmes avant, mais depuis Nuit Debout, il y a des décisions qui me sont apparues évidentes du jour au lendemain. Sauf que effectivement, je me suis aperçu que c'est pas facile du tout à Paris en fait, notamment pour les circuits courts par exemple. Enfin, si tu veux avoir du circuit court, bon bio, du bon tout en fait, c'est très très compliqué. Mais enfin voilà. Après, il y a plein de trucs. Je pense aussi au zéro déchet. Je pense que c'est un bon moyen de parce qu'en fait, en passant par là, je pense que tu fais plein d'autres choses. Donc, si tu te fixes cet objectif-là, zéro déchet, il est assez dur au début, mais une fois que tu te le fixes, après, franchement, tu es obligé de passer par plein d'étapes en fait qui sont forcément cohérentes. En fait, j'ai bien aimé quand tu parles de cohérence parce que c'est ça, c'est pas. Et du coup, je te rejoins complètement en fait sur le fait qu'il faut forcément des actions. Je pensais aussi, par exemple, à des collectifs, je sais pas comment appeler ça, mais des collectifs entre guillemets d'aide justement au changement de mode de vie en fait. Peut-être de s'entraider parce que c'est vraiment pas simple pour tout le monde. Et peut-être de s'entraider, de se donner des trucs, tout ça. Bon, j'imagine que ça existe déjà sur Internet et tout ça, mais voilà. Et je voulais sûrement dire autre chose, mais je te passe la parole. Du coup, moi, c'est une question que j'ai pour vous. J'ai entendu parler assez récemment, et je vois que ça a fleuri beaucoup sur les réseaux sociaux et tout ça, c'est le biomimétisme. Et voilà, je voulais avoir votre avis, parce qu'en fait... Un mec qui parle de ça dit lui que la décroissance ça sert à rien, etc., etc., et que si on étudie bien la nature, on peut continuer à consommer. Enfin, je sais pas si vous connaissez le biomimétisme. Ouais, c'est ça, ouais, voilà. Et non, c'est l'économie circulaire, en gros, voilà. Donc, je sais pas, je voulais avoir votre avis là-dessus parce que moi je trouvais ça un peu bizarre. Voilà. Alors, moi personnellement, je vois pas qu'est-ce que c'est exactement le biomimétisme. Effectivement, j'ai entendu un peu vaguement, mais je peux pas répondre exactement sur ce que ça c'est ou si je suis d'accord ou pas. Par contre, sur ce que tu as dit, donc tu as essayé probablement d'expliquer qu'est-ce que ce courant pense. Continuer à consommer comme on le fait aujourd'hui et juste se fier sur les avancements scientifiques. Je sais pas si c'est exactement ça. Ok, d'accord. Tu voudrais expliquer qu'est-ce que c'est? Bien. En gros, c'est observer la nature pour voir ce qu'on doit faire à l'échelle humaine. Et notamment au niveau de la nature, il y a zéro déchet. C'est même pas un effort que la nature fait, c'est naturel. Les feuilles tombent, elles sont recyclées en humus, et elles repartent dans le cycle de la vie. Il y a que l'espèce humaine qui fonctionne de manière linéaire. C'est-à-dire que d'un côté on a des matières premières, de l'autre on a des déchets, et il y a pas de rebouclage, ce qui fait qu'on va se taper des décharges à ciel ouvert, des continents de plastique au milieu de l'océan. Et c'est Idriss Aberkane qui parle de biomimétisme, d'observer la nature. Et il y a un Belge, alors je sais pas comment il s'appelle, il parle d'économie bleue et non plus d'économie verte. L'économie bleue, en fait, c'est partir sur le principe que les déchets sont aussi une source d'énergie, de matière, et pas une perte. Alors, je vais recommencer à dire ce que j'ai dit avant, c'est que ça nécessite des connaissances qu'aujourd'hui on n'a pas. Les gens qui pensent un peu à ça, ils disent la science va nous trouver un moyen de produire ce qu'on a besoin aujourd'hui. Oui, mais ça veut dire que par exemple aujourd'hui, parce que avant tu as dit qu'on continue à consommer comme on consomme aujourd'hui, ça veut dire on continue à se déplacer en voiture, on continue à, donc ça nécessite un changement de mode de vie. Non, en fait, il insiste sur la décroissance. En fait, il cite même Pierre Rabhi, tu vois, sur la décroissance, et il dit ça, c'est son époque à Pierre Rabhi, mais maintenant nous, on n'est plus à cette époque-là. On est à l'époque de, il faut lire la nature, réussir à comprendre comment elle fonctionne, comment elle, comme il a dit, l'économie bleue, le fait de les déchets sont réutilisés, tu vois, pour créer de l'économie circulaire, vraiment où il y a aucun déchet en fait, tous les déchets sont réutilisés pour faire des, et donc bah tu vas pas rouler, tu vas pas rouler au pétrole, tu vas rouler à autre chose, tu vois, j'en sais rien, mais voilà, non mais c'est ils avancent ce truc là qu'il faut étudier la nature pour réussir à comprendre comment on peut nous évoluer. Voilà, ici plein de choses, là je pourrais pas te le dire, mais Moi je suis assez sceptique, notamment sur la question des déchets, parce que je suis pas sûre que tous nos déchets qu'on a, à part les pelures de pommes de terre qui sont recyclables, le reste des déchets, aujourd'hui on sait pas trop quoi en faire, et je suis pas sûre qu'on puisse forcément en tirer une énergie. C'est un peu le, comment dire, pas le point de vue, mais le, c'est un peu pour les grands incinérateurs et ce genre de projet qui veut tirer l'énergie des déchets, mais finalement c'est hyper polluant, et ça me paraît, enfin je suis assez sceptique sur l'idée de se resservir de ces déchets pour produire l'énergie, et on les ferait disparaître, mais on en produit, enfin les déchets c'est un peu en, on en produit de plus en plus, et enfin. Du coup, réutiliser les déchets, ça veut pas dire réutiliser les déchets qu'on a actuellement. C'est une manière de repenser tout ce qui est emballage, une manière de penser le transport, les moyens de transport, les moyens énergétiques. Donc la décroissance actuellement, c'est ce qu'il y a de plus adapté. Mais en attendant le fait qu'on fasse des progrès. La décroissance, ça peut pas être une fin en soi. C'est une étape intermédiaire, et l'économie bleue propose justement de voir après, quoi. Non, en fait, c'était juste parce que il a dit ce qui était intéressant, en fait, c'est que le mec met vraiment en avant que la nature ne crée aucun déchet. Est-ce que vous savez si c'est vrai ou pas? Parce que moi, en fait, moi, je le sais pas, en fait, tu vois. Est-ce qu'il y a pas, je sais pas, apparemment, il y a des milliards d'années, il y avait des déchets, tu vois, des déchets radioactifs ou je sais pas quoi. En fait, les déchets, c'est le pétrole. Tous les déchets organiques qui se sont accumulés au fond des océans et au fond des, voilà, enfin la décomposition des déchets, c'est le gaz naturel et le pétrole. Donc si la nature produit énormément de déchets qui est en partie réutilisé pour l'humus et tout ça, mais si. Moi, c'est ce que je voulais dire, c'est que la nature recycle tout. Même les déchets radioactifs, même s'il faut 100 000 ans pour le faire, mais elle va y arriver. Le problème, c'est que l'humanité n'existera plus d'ici là. Donc c'est notre problème à nous. C'est pas un problème écologique de la Terre, de la planète, etc. C'est notre problème. Souvent on dit qu'il faut sauver la planète. Non, il faut sauver l'humanité. Parce que la planète, elle va très bien se démerder. C'est pas ça le problème. Mais si... Pour le faire, enfin, il y a un exemple... Il y a un projet de construction d'un incinérateur là à Évry, et c'est un truc hallucinant parce qu'en Allemagne par exemple, ils avaient construit depuis longtemps, enfin je sais pas, une vingtaine ou une trentaine d'incinérateurs, ils les ont tous fermés parce qu'ils recyclent tout. Donc c'est possible si eux ils le font. Vous voulez réagir? Ah, ou sinon il y a Pierre qui va intervenir. Oui, moi je voudrais vous soumettre une idée qui m'est venue il n'y a pas longtemps. L'orchestre debout m'a demandé de mettre un écran et de filmer les musiciens. Donc normalement l'écran serait contre la statue et l'orchestre autour. Et donc moi j'ai soumis la proposition suivante à Clément, c'est de se servir de l'écran pour fabriquer un spectacle qui serait pas de la consommation de spectacle, le spectacle des autres, mais une production de notre part. C'est-à-dire que pour l'écologie, par exemple, choisir une séquence qui peut être assez courte, hein, de 1 ou 2 minutes ou 3, et de composer une symphonie qui intégrerait l'image écologique à l'orchestre. Ce qui fait que la place deviendrait un lieu de spectacle qui serait pensé a priori par nos réflexions. Donc moi, c'est un truc que je vous soumets. Je suis pas tout seul là-dessus, mais j'ai proposé ça à Clément, que je devais voir il y a un quart d'heure, je sais pas où il est passé, mais l'orchestre est un peu réticent. Il est là ? D'accord. Vous êtes Elsa ? D'accord. Ah oui, d'accord. D'accord, mais je viens tout de suite là. Voilà. Est-ce que vous voulez composer ? Moi, je suis partante, mais le problème, c'est que je ne m'y connais pas en musique, donc il va falloir trouver des gens qui s'y connaissent un peu. Oui, ben on peut propager l'idée à la prochaine réunion, essayer de voir des gens qui sont motivés et qui s'y connaissent un peu pour faire ça. Autre question ? Justement, le fait que tu dises « moi je m'y connais pas en musique », c'est parce que tu as été à l'école. Si tu n'avais pas été à l'école, tu ferais de la musique comme tranquillement, sans t'occuper de rien. Alors pour moi, c'est l'école qui met justement la manière de penser complètement débile. Cette pensée, cette manière de se relier qui est mortelle. Et la première chose à faire pour l'écologie, c'est de fermer les écoles. Qu'est-ce que vous en pensez ? À propos d'écologie, je m'appelle Captain Freddy. J'ai fait une chanson qui s'appelle « La Terre en rouge, jaune, vert ». Voilà, donc je pense venir chanter le 15 avec Orchestre Debout et avec ma guitare et peut-être quelques musiciens. Et voilà, c'est une chanson qui parle de la Terre en rouge, jaune, vert. Hein. Alors, je ne suis pas très connu à Paris, mais bon, j'ai quelques dizaines de milliers d'auditeurs dans le monde sur ma web radio. Et j'ai chanté à Télé Debout, Radio Debout, une chanson qui s'appelle « SOS Démocratie » où je parle aussi des problèmes entre les villes et les campagnes, etc. Parce que bon, on est surpeuplé en ville et il y a des campagnes qui dépérissent. Hein. Donc l'écologie, ça serait aussi de repeupler un peu les campagnes, les villages qui sont en train de mourir, de partager la terre et l'espace différemment et d'avoir une vie plus saine et d'envoyer un peu les citoyens à la ville, à la campagne et certains campagnards, s'ils veulent venir à Paris, je leur laisse la place. Merci. Alors, pour répondre à votre question, en tant que commission, on n'a pas tellement abordé ces sujets-là. Donc, peut-être je vais vous dire personnellement qu'est-ce que j'en pense. Donc, je pense que votre opinion est un peu radicale. Moi, je ne serai pas pour abolir complètement l'école, mais après, c'est sûr qu'il faut changer de moyens et de méthodes. Ça, tout le monde le sait, que juste en mettant l'enfant sur l'épreuve et le stressant, lui mettant comme objectif que sa réussite, ça c'est pas une bonne chose. Mais après, si on imagine un système éducatif qui se base beaucoup plus sur l'expérience, sur le partage et tout, ce serait pas nécessairement mauvais. Donc voilà, il faut trouver... Oui, mais ça pourrait être encore éventuellement appelé école, mais que ça change de format. En attendant de révolutionner l'école, pourquoi pas proposer des cours de sensibilisation à l'environnement pour que les enfants à leurs parents ils leur disent « faudrait peut-être changer à la maison, faire des choses ». Ah, c'est pas très radical, on est d'accord. Et alors, concernant l'école, il y a des initiatives, il y a de plus en plus d'écoles qui font des cours de comment ça s'appelle ? J'ai perdu le nom, en fait, voilà, des cours de permaculture. En fait, il y a de plus en plus d'écoles qui font des initiatives de permaculture, mais pas à Paris. Mais le problème de l'école, c'est pas les élèves, c'est le professeur. Parce que c'est le problème des profs ou des maîtres, c'est qu'ils ont appris l'écologie dans les livres. Il y en a qui sont jamais sortis de chez eux et qui enseignent l'écologie. Et j'ai vu encore hier, j'étais dans le bois de Vincennes, je parle pas de toi, une classe avec le professeur. Bon, le professeur disait, voilà, vous allez là, vous revenez avec des plots, il faut tourner autour, même pas autour des arbres. Il y avait des trucs en plastique qu'il fallait... Bon, c'est bien que les élèves sortent aller dans les bois, mais sans professeur. Attends, il y a Bruno qui voulait prendre la parole. Là, j'ai une opposition radicale, parce que de nombreux enseignants sont issus de milieux agricoles, justement, et ont une connaissance, entre autres dans les enseignants du primaire, peut-être un peu moins aujourd'hui, mais il y en a encore beaucoup, ont une connaissance de l'agriculture et de l'environnement de l'environnement naturel. Le problème, c'est pas le corps enseignant, c'est pas les enseignants eux-mêmes, c'est les programmes. C'est les programmes qui ont été développés par les institutions. Les profs, eux, ils font ce qu'ils peuvent avec ce qu'on leur donne et ce qu'on leur oblige à faire. C'est pas forcément facile pour eux. Moi, j'ai eu un cursus universitaire environnemental. Et j'ai des profs qui m'ont appris ce que c'était l'environnement, ce que c'était l'homme au centre de l'homme et le milieu naturel, etc. Et bon, c'est universitaire, donc évidemment, tout le monde n'a pas accès, malheureusement, à l'enseignement supérieur. Et je suis bien consciente qu'il faudrait justement ramener ça peut-être au lycée, au collège, voire à l'école. Je pense aussi qu'il existe en fait des écoles où il y a une certaine sensibilisation au niveau de l'agriculture, entre autres, mais je pense à Montessori, mais qui aujourd'hui, en fait, c'est des écoles qui deviennent de plus en plus coûteuses, et donc c'est réservé à une certaine élite. Et voilà, donc pour être sensibilisé aujourd'hui autour de l'écologie, il faut avoir des moyens pour pouvoir mettre leurs enfants, pour pouvoir les éduquer dans ces manières-là. Ou tout simplement, pour beaucoup d'élèves en France, bénéficier d'un enseignement dans un milieu rural. C'est le problème sur Paris et les grandes villes, mais bon, on peut trouver des solutions. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des réactions sur l'écologie, un peu, on est... Après, vous allez nous parler de Notre-Dame-des-Landes à 16h, donc il reste un petit 10 minutes. Vous voulez réagir encore ou... ce qui a été dit, ou on a un peu répété. Hein. Des questions, voilà, une question. Bon, allez, une question chiante. Qu'est-ce que vous proposez en sortant du nucléaire ? Pour commencer, c'est la sobriété énergétique. Déjà, il faut réduire drastiquement la consommation d'énergie, parce que sinon, on ne peut pas s'en sortir. Ça, c'est clair. Et il y a un gâchis d'énergie, déjà, et il y a une surconsommation aussi. Donc, il faut un peu essayer de limiter le gâchis et la consommation. Et ensuite, après, il faut voir. Il y a aussi beaucoup de discussions sur la démocratisation de l'énergie. Parce que, en fait, ce qu'on pense aussi, c'est le mieux. Il n'y a pas un monopole, même si c'est de l'énergie solaire ou de l'éolien. Ça ne doit pas être dans les mains d'une seule entreprise. Ça doit être... public ou même produit par les gens chez eux pour avoir une autonomie, disons. Après, il n'y a pas de solution magique. Aujourd'hui, les sources alternatives éolien et solaire, le solaire, il y a le problème de l'efficacité et du recyclage des panneaux. Ça, c'est pas réglé aujourd'hui non plus. Donc, c'est un combat très difficile et moi je suis pas experte et même les experts je sais pas s'ils ont une solution en or qui va tout résoudre comme problème. Ça va être un peu redondant. Pour moi une des principales solutions c'est de relocaliser la production d'énergie, c'est-à-dire tirer localement le maximum, enfin tirer de ce qu'on a localement, c'est-à-dire soit solaire, soit marée motrice. On n'a pas beaucoup de géothermie en France, enfin, même pas du tout. En montagne, on peut produire l'électricité grâce à l'énergie de la pente, enfin de l'eau et de la pente. Et forcément, passer par une réduction énorme des besoins énergétiques et de la production d'énergie, parce que on peut pas produire autant d'énergie. on peut pas produire autant d'énergie qu'avec ce qu'on fait avec le nucléaire. C'est pas possible. Le problème souvent soulevé pour le prix de kilowattheure des énergies renouvelables, c'est le stockage. Et souvent, c'est ça qui fait multiplier par 10 ou 20 une énergie qui, à la base, est vraiment pas chère, quoi. Et j'ai lu, dans un article, je crois, un ancien de chez Total, qui aurait créé un système de stockage pour l'énergie solaire à base de volants en béton. Alors je ne sais pas du tout quel est le principe, mais en gros ça divise le coût du stockage par 10. Quoi. Vous voulez répondre ou parce que j'ai pas mal de tours de parole. Je vais prendre, il n'a pas encore parlé. Oui, bonjour. Moi, je crois qu'il faudrait, personnellement, je crois qu'il faudrait faire une pression nationale pour que l'écologie soit inscrite à la Constitution française. Et là, franchement, je crois qu'il y en a qui ont eu l'idée de le faire. Mais maintenant, ça devient vital parce que la Terre est à bout de souffle, hein, comme nous le savons tous. Hein. Le Bangladesh, l'Inde, si eux devaient vivre comme nous, il faudrait 5 à 6 planètes comme la nôtre. Donc, je crois qu'il faudrait une action maintenant sévère. Je ne sais pas comment organiser, mais il faudrait maintenant le faire, sérieusement. Ben, moi, je pense que pour être vraiment efficace, il ne suffit pas juste d'inscrire l'écologie dans la Constitution. Ça nécessite un changement de système. C'est-à-dire, tant qu'on est dans le système capitaliste, ça ne peut pas se faire. C'est contradictoire. Et le développement vert, c'est en fait le capitalisme vert, ce qu'on appelle, c'est quelque chose, c'est juste pour prolonger un peu et donner une jolie face au capitalisme, mais c'est pas possible, c'est pas compatible. Tant qu'on reste dans une société de surconsommation, même si c'est de la surconsommation verte, je vois pas comment ça produit des déchets. On n'est pas au zéro déchet aujourd'hui, on n'a pas les moyens. Donc ça nécessite vraiment de repenser radicalement notre modèle de société, je pense. Ouais, je veux juste rajouter là-dessus, je suis assez d'accord, parce qu'en fait, si j'ai bien constaté un truc, c'est qu'en fait, on consommait, en faisant tous ces changements un peu, c'est qu'on consommait beaucoup de choses en fait qu'on n'avait pas besoin, en fait, enfin, que moi je trouve qu'on n'a pas besoin, parce que des fois, quand tu dis ça aux gens, du coup, tu peux paraître radical. Mais et en fait, c'est là où je te rejoins, en fait, tant qu'on produit ces choses-là, tant qu'elles se vendent, de toute façon, t'as beau te changer toi, bon, c'est bien, ça fait un petit pas, mais tant qu'on produit en masse ces choses-là, ça changera pas le problème. Donc, oui, il faut les deux. Enfin, du coup, je pense que ça passe par obligatoirement une action qui s'inscrit dans les institutions, mais après, effectivement, dans le système de production actuel, ça me paraît compliqué. Ouais. Il y avait Bruno. Tu parlais tout à l'heure de géothermie. En France, il y a eu des projets, entre autres en région parisienne, qui avaient de créer un chauffage central par géothermie pour Paris intramuros, qui n'a jamais abouti, entre autres parce qu'ils ont destiné d'installer des centrales thermiques. Et à La Réunion, bon, il y avait un problème pour la géothermie en région parisienne, c'est que c'était des forages très profonds, à 2 ou 3 000 mètres de profondeur. Mais sur un autre département français, La Réunion, c'était beaucoup plus simple, puisque pour obtenir un effet géothermique pour la production d'électricité, il aurait suffi de forages en diagonale de 200 mètres. Ce qui est, en termes de forage industriel, c'est ridicule comme profondeur. Et bien ils ont opté pour une centrale géothermique, pour une centrale thermique. Pourquoi ? Parce qu'elle coûtait moins cher à fabriquer, et qui permettait de faire tourner l'économie puisque ça permettait d'importer du pétrole et de le consommer. Il faut vraiment changer quelque chose dans la logique actuelle et le capitalisme effectivement présente des effets pervers puisqu'il est dans une recherche de bénéfices. Une centrale géothermique, une fois qu'elle fonctionne, a un coût, mais à part l'électricité qu'elle produit, il y a peu de bénéfices indirects, comme la vente de pétrole, quoi, par exemple. Du coup, je prends vos deux derniers tours de parole et. Oui, juste un mot à propos justement des. Comment dire. On fait des choses qui ne marchent pas, mais surtout ceux qui décident, comme les partis politiques, ils sont corrompus. Donc à chaque fois qu'on construit quelque chose, ils touchent leur pourcentage. C'est surtout pour ça qu'on fait. Et même le nucléaire, la seule justification vraiment rationnelle du nucléaire, c'est que c'est centralisé. Et que si les gens se révoltent un peu trop, on leur dit on va vous couper l'électricité. Donc tout le monde se calme tout de suite. Tandis que, et un autre problème, c'est la chaque fois qu'on transforme une énergie dans une autre, on en perd 75%. Donc l'énergie nucléaire, on fait chauffer de l'eau, ce qui est complètement débile. Et ensuite, il faut des lignes de centaines de kilomètres pour transporter l'électricité. Et ensuite, il faut la transformer pour l'utiliser. Les trois quarts, plus des trois quarts de l'énergie sont perdus en route. Tandis que si quelqu'un met des panneaux solaires sur son toit, déjà il peut emmerder tout le monde, et si le gouvernement ne lui plaît pas, il dit je vous emmerde, je me débrouille tout seul, je suis autonome, j'ai mon eau chaude, j'ai mon électricité, et il n'y a aucune perdition d'énergie, donc il suffit d'en avoir beaucoup moins. Et ça on l'oublie toujours, parce que ça fait partie de l'écologie, c'est-à-dire d'utiliser ce qui est sur place, le local. Et c'est toujours mieux, de toute façon, à long terme. Ouais, je me suis rappelé d'un exemple de biomimétisme, et après j'ai une question. C'était juste la spiruline, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, qui aspire le CO2, et qui mettent en sortie des centrales à charbon, je crois, pour aspirer le CO2 qui sort des centrales à charbon, je crois. Je voulais savoir ce que vous en pensez. Et je voulais avoir votre avis sur, à votre avis, pourquoi les gens ne sont pas intéressés par l'écologie. Voilà. Alors, je vous laisse répondre d'abord à la question et on m'a promis un très court dernier temps de parole. Mais... Alors, sur la question de la spiruline, effectivement, j'ai entendu parler de ça. C'est des bonnes choses. Il faut le faire. Mais moi, c'est comme tout ce qui est géo-ingénierie. Il y a tous les climato-sceptiques et les gens qui disent non, tout va bien. C'est juste qu'il faut un peu utiliser en fait la technologie pour nous sortir du problème. Bon, la spiruline, c'est pas la technologie, c'est naturel. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais tout ça, c'est très bien, mais ça doit être fait en parallèle d'une transition de modèle de vie, de modèle de société. Voilà. Et si tu veux répondre. Pour répondre à la deuxième question, c'est compliqué. Déjà, les gens veulent pas remettre en question leur mode de vie. On les dit, les gens, c'est très... simple et très... Voilà, bref. Franchement, c'est une bonne question. Je crois qu'on ne se l'est jamais posé. Parce que nous, on vit, on est entouré sans arrêt de gens militants. Et pour nous, c'est évident. Moi, je pense que c'est parce que c'est un manque de connaissances. Parce que dans la tête des gens, l'écologie, c'est quelque chose de bobo. C'est-à-dire, une fois que tu as résolu tous tes problèmes d'existence, tu peux te préoccuper d'écologie. Ce que moi je suis complètement opposée à ça, parce que c'est pas du tout vrai, parce que les gens qui mangent de la merde quand ils y vont acheter leurs produits à la grande surface, voilà, et si ils avaient conscience que l'écologie ça touche au mode de production, et c'est pas juste le bio et le recyclage, moi je pense que c'est ça qui est dans la tête des gens. Ils se disent moi j'ai pas de l'argent pour le bio et le recyclage, je m'en fous parce que j'ai pas à quoi manger. Mais c'est pas vrai, parce que dans notre pensée, on veut vraiment le partage, on veut que tout le monde ait accès à des choses de qualité, donc l'écologie, c'est pour tout le monde, mais les gens le savent pas. Voilà ce que je pense. Ça va être un peu cliché ce que je veux dire, mais il y a aussi le rôle de la publicité qui, à mon avis, encourage vraiment beaucoup la consommation, accumuler des biens sans arrêt, et accumuler du capital, et plus t'as d'argent et plus tu vas consommer, plus tu vas acheter des biens. Et je pense que la publicité a un gros rôle à jouer là-dedans. Voilà. C'est, moi j'aime beaucoup, on dit que c'est une question d'imaginaire. C'est que l'imaginaire des gens n'est pas le bon. Et c'est exactement ce que tu dis, c'est juste que le mot imaginaire, j'aime l'utiliser parce que c'est exactement ça. La publicité dans ce monde-ci nous a créé un imaginaire de l'abondance et que la consommation, c'est ce qui nous va nous emmener au bien-être, au plaisir et tout. Et c'est ça le problème. Si les gens avaient leur imaginaire tourné autour d'autre chose, voilà, des plaines vertes avec des fleurs et des produits rares, voilà, les topinambours et des machins, ce serait complètement différent, mais c'est pas le cas. Ouais, je suis désolé, on avait déjà dit les deux derniers, alors j'ai encore dit oui à deux derniers mots, mais après on va du coup vous laisser enchaîner, sinon, histoire de ne pas prendre de retard. Oui, je voulais dire tout simplement que nous sommes issus de l'écologie. L'écologie, c'est la vie, finalement. C'est la vie, et les gens, en ignorant l'écologie, ils sont en train de se suicider. On passe à côté de la vie. Bon, je tenais aussi à vous dire qu'il y a un mauvais et un bon capitalisme, par exemple, une force d'énergie intéressante pour l'avenir, c'est l'hélium-3. Qui se trouve sur il y en a énormément sur la Lune, et il est question de pouvoir l'extraire, et ça remplacerait quelques kilos d'hélium-3, remplacerait toutes les centrales nucléaires sur toute la planète pendant des siècles. Alors voilà, maintenant il va falloir des capitaux pour aller là-haut et décider les gens. Juste un mot pour répondre à pourquoi les gens ne changent pas. Pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il y a un parti écologique, qui est une absurdité. Bon, du coup, je vous laisse vraiment conclure, on enchaînera. Sur l'opposition, en fait, le fait d'aller sur la Lune pour récupérer de l'hélium, c'est ça le... Ça encouragerait encore à remplacer une énergie par une autre, et du coup on pourrait continuer à consommer de la même façon qu'on le fait aujourd'hui, et ce serait un cercle infini. On trouvera une autre énergie, on trouvera d'autres champs de pétrole, on trouvera d'autres façons de... Et du coup ça entretiendrait cette croissance infinie et le capitalisme qui est l'accroissement du capital. J'accepte un tout petit point. C'est que pour faire fonctionner un réacteur à hélium-3, il faut un amorceur, et l'amorceur, c'est un réacteur nucléaire. Ouais, non, mais c'est vrai que pour aller dans le sens, je pense que ça repousse le problème, quoi. Et quand il n'y aura plus sur la Lune, qu'est-ce qu'on fait après ? Enfin, voilà.